It's called Jaurès, and he sings about Jean Jaurès, and his question is, why did they kill Jaurès? And basically what it is, Jaurès was a member of the Socialist Party in France, and he was a pacifist. And so that did not go well with whoever wanted to have the First World War. And somewhere in it, he was assassinated, I mean, because of his pacifist stance. And Jacques Brel really gets this and then asks, look at all these kids who are out there in the battlefield dying for nothing, who feel miserable, who are afraid. And he tries to depict the follies of war and ask the question, with all of this, why did they kill Jaurès? The second one is a little bit more upbeat, and this is The Impossible Dream, which from Le Man from La Mancha. And of course, I mean, the song and the musical is all well known. And here, I mean, at least is someone, he's not killing anyone, I mean, but this is the man of La Mancha, who's trying to reach the inaccessible, to follow his dream, well, fighting windmills and things like this. But still, I mean, that's this guy, I think, is much better off than those in the previous song who are sending kids into battle. And the last one, excuse me, deals with the burghers, I mean, the Philistines. And this is a song that simply deals with the citizens of the honorable people in town who sit there and looking into their beer, and the lawyers and people who are kind of just wandering around, trying to present a honorable face. And here he says, the older you get, the dumber you get, actually. And then he cites Voltaire and he cites Casanova, but they are simply sitting there drinking their beer and, behaving quite like Philistines. Merci, Olaf. Bon, on a une annonce et on va continuer avec la musique. Do you like KFAI? Tell your friends to like us on Facebook. Tag KFAI in your status update. Thanks for tuning in and logging on to your online community radio, where I'm just president of my dark little apocalypse, and I approve this message. Et maintenant, on va continuer avec Mireille Mathieu. Elle était une vraiment très populaire, si j'ose dire, il y a des années. Et on a même comparé à Édith Piaf. Mais maintenant, on n'entend plus d'elle. Elle est toujours de vivante, mais je crois qu'elle ne chante plus. Elle chante pour vous, d'abord « Maîtresse d'école », suivie par « Amour défendu ». Mireille Mathieu. Quand ils sont petits, je les garde entre un préau et un cartable. Ils sont petits, je les ai tout à moi-même un peu distrait. Quand ils sont petits, je leur donne des punitions que je pardonne. Les affluents de la Garonne, ils oublieront. Je ne suis qu'une maîtresse d'école. Après 14 ans, ils s'envolent. accrochés à des cheveux blonds. Après 14 ans, les garçons oublient que j'avais un prénom. Je ne suis qu'une maîtresse d'école. Moi, ils m'ont vraiment rendue folle. Avec des jeux pleins d'innocence, avec des rires dans mon silence, j'étais l'amour de leur enfance. Je ne suis qu'une maîtresse d'école. Ils me reviennent après longtemps. Ils ont 25 ou bien 30 ans. Ils tiennent un enfant par la main. Ils oublient que je me souviens de leur premier matin en classe. Du dernier qui a pris leur place. Je vois dans leurs yeux d'aujourd'hui qu'ils m'ont trouvé un peu vieillie. Je ne suis qu'une maîtresse d'école. Après 14 ans, ils s'envolent, accrochés à des cheveux blonds. Après 14 ans, les garçons oublient que j'avais un prénom. Je ne suis qu'une maîtresse d'école. Moi, ils m'ont vraiment rendue folle. Avec des jeux pleins d'innocence, avec des rires dans mon silence, j'étais l'amour de leur enfance. Je ne suis qu'une maîtresse d'école, avec des jeux pleins d'innocence, avec des rires dans mon silence, j'étais l'amour de leur enfance. Sonne j'ai jeté les armes, les fleurs de la lande aux couleurs de l'ombre où l'on s'est aimé ne me reverront plus. We heard Mireille Mathieu in two songs, a little somewhat, twists. The first one is the school teacher, La Maîtresse d'École. And what she sings about, of course, is that here she is taking care of the little ones and they are going to school, but she is only a school teacher. They don't know her first name, and in France, of course, school is much more formal than it is here, so they don't know her first name, and then sometimes they come back after 25, 30 years, shake her hands, and all they see in her is this is my old school teacher, but nothing more, not about what she might have felt and how she might have liked the children in her classes. Anyway, that's a little bit sad. The next one is more dramatic, and it's about illicit love. And actually, the song, I think, Caril is je ne suis pas tellement sûr. Is, but mais je croyais que c'était ça. Is a Spanish. Je crois que c'est Concierto de Aranjuez. That's quite possible, because actually, what this is a translation into French. And what it deals about is, of course, the love in autumn, the love, the dream, the love of dream, the dream love, daybreak. But then in the end, it all is an illicit, non-requited love. Poor Mireille Mathieu. Eh bien, la pauvre. Donc, on continue. Et maintenant, on va écouter plusieurs chansons écrite par un très grand paroliste, Pierre Delanoë. Et d'abord, vous allez écouter les compagnons de la chanson « Le jour où la pluie viendra ». Ça va être suivi par Michel Thor, Michel Femme, version femme, qui vous chante « Argentina ». Et la dernière, c'est Edith Piaf avec « Les grognards ». La pluie viendra, nous serons. Qui à l'infini les branches nues, que rien ne bouge, se gorgeront de pluie, de pluie, et le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis, et je t'enroulerai de bagues et de la pluie viendra, nous serons toi et moi, les fiancés du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant. Je m'en souviendrai un

and then they'll marry. The other one is a more of a tango beat. It's called Argentina. And the song, of course, deals with someone talking about Argentina, about the Pampas, about the heat, about what Argentina does to you, the rumbling of the, at the, well, they didn't call it the prairie, they called it Pampas, I think, of horses riding through the Pampas. And then the singer, of course, has found her love in Argentina, and they dance to a tango beat. And and they, in the heat, and in the heat of the meteorology, I mean the weather, and the heat of their passions, their burn their souls. Je ne connaissais pas cette chanteuse. No. I didn't know that singer, Michelle Tor. Had you heard of her before? I liked her voice. No, very nice. Yes. Mm-hmm. And the last one, of course, is our Edith Piaf, Les Grognards, the Grumblers. And basically, what it deals with is the Grumblers are fallen soldiers of the Napoleonic Wars. And what they sing about, of course, is that here they are grumbling, and they are the grenadiers, they are the soldiers of Napoleon, but without grenades, without guns, without shoes. And they are going to march down Champs-Élysées because they haven't seen Paris. They've seen all of those famous battlegrounds that many of the streets and metro stations in Paris are named after. I mean, they have visited Russia. They have been at Marengo. They have fought in the wars in Wagram, in Wagram, Eylau, and places that, of course, were the big battlefields and the sites of great glory of Napoleon. Of course, Russia wasn't no. part of that. No. But so now they are saying they are dead, of course, and they lost their lives as young people in many of these battlegrounds all over Europe. And here now they are going to, this night, they are going to march down the Champs-Élysées without grenades, without guns, without shoes. And they are going to march in unison in Paris. Une grande variété, hein? Yes. Really, Pierre de la Rumeade wrote unforgettable lyrics for such a variety, wide variety of songs. Practically for all of the big names of French That's correct. Singers. I mean, Bicot, Sardou, Fugain, you name them, Joe Dassin, Mouskouri. It's really, mm-hmm. It's quite remarkable. And the songs, of course, are songs where the words also mean a lot. Yes. Yeah. Alors maintenant, on va écouter Charles Aznavour. Et il chante d'abord une chanson qui s'appelle « Très nettement ». Alors, c'est parce que la musique, c'est basé sur une chanson de Charles Trenet. Et ça va être suivi par une chanson qui est bien connue, Inoubliable, Charles Aznavour. Ma page est vierge, je suis devant. Il me faut écrire un roman. Et je gamberge, me tiens le front en cherchant une inspiration. Si dans une heure j'ai pu noircir quelques feuillets, mon éditeur pourra me consentir un prêt. Ma concierge guette déjà, car mon loyer n'est pas payé depuis 6 mois. Je me concentre, mais rien ne vient. Je suis mangé par la faim, car dans mon ventre, le désespoir. Il n'y a pas même un café noir. J'ai beau chercher comment faire un repas gratuit, dans le quartier je n'obtiens plus aucun crédit. Et quand je rentre chez eux parfois, les commerçants sont menaçants dès qu'ils me voient. Muse marraine, ma tendre amie, mon doux cœur et mon pur esprit, mais moi en veine, je suis à court. Je t'en prie, viens à mon secours. Donne-moi donc trois personnages et un décor qui connaîtront la vie, l'amour et puis la mort. Que ça devienne un best-seller qui m'offre un jour et de bon cours et la vie belle. Mon cœur bat vite, ça y est, je crois. Mon roman s'écrit malgré moi. Quand je cogite, la plume court. J'en oublie tous ceux qui m'entourent. Je suis génial, j'ai fini l'œuvre en une nuit. Le point final est au bas de mon manuscrit. Je sollicite mon éditeur qui m'est conduit avec mépris à quel malheur. Dès lors je sombre dans la folie et je dis adieu à la vie dans la pénombre sans raison. Je me fais un trou dans le front. Je vois d'en haut les gens s'arracher mes bouquins. Souvent il faut mourir pour devenir quelqu'un. Mais comme une ombre, souvent la nuit, je reviendrai, je le promets, et sans répit. Je ferai peur aux éditeurs toutes les nuits. Je ferai peur aux éditeurs toutes les nuits. Et mi-démon, sous tout tes masques, tu restes belle et fantasque, toi. The first song by Charles Aznavour, très nettement, in a sense, harks back to ideas and songs that Charles Trenet, the very famous singer a generation before Aznavour, had. And the story is about someone who has a writer's block. This is an artist who sits there in front of a empty page. And he's supposed to write a novel, but nothing happens. And he is hungry. He has to sneak by his landlord or landlady because she is asking for her monthly rent, which is in arrears, I mean, for a long, long time back. He is so hungry that he would like to eat something, but if ever he goes into a shop in his street, I mean, people, the shopkeepers really become very agitated. And so he goes on and on and on, poor guy. And what he really needs is a breakthrough and write this fundamental novel, the great French novel. I mean, not the great American novel, but the great French one. And finally he dies. And that's when all of a sudden people rip the manuscripts out of each other's hands. And so he says, I mean, in order to become someone, you have to be dead. And he also talks about having a little hole in his head. I mean, apparently he committed suicide. But here now he is. Now they want his novel, but he says, "I am coming back as a ghost, and I am going to." Harass the editors, all those editors who didn't want to print my novel, print my works. So now they will have to deal with him as a ghost. Anyway, and well, Charles Aznavour certainly was never at the loss of writing a song or presenting it. The next song, Inoubliable, actually, it's also, the text is from Pierre Delanoë, and it deals with the unforgettable, the unforgettable lady that he is in love with. She is like sand in your hand, which kind of runs through your fingers once you have grabbed a handful of the sand. He is loving her up to becoming delirious about this young lady. And so he sings about this, and he says, well, she is like Eve, and somehow or other he will always think of her in his beds of passion. Il faut savoir aussi que Charles Aznavour, qui est dans les 80 ans, il continue toujours à chanter et chaque année, il fait des derniers tours. Et ce n'est pas vrai, hein? Il veut continuer, il est plein de force. Il était le fils des émigrés. Qu'est-ce qu'ils étaient? Les Arméniens, je crois. Les Arméniens, oui. Oui, d'accord. Et maintenant, il est parmi les plus riches dans le monde de la chanson. Oui, mais il met son, c'est pas, il reste pas sur ses lauriers, il ne reste pas sur son pot d'argent ou ses sacs d'argent. Il essaie de créer une espèce de musée ou une espèce de bibliothèque, de collectionner des chansons françaises. Il est vraiment intéressé à promouvoir la chanson française. Ah, et il met son argent là-dedans aussi pour aider les nouveaux talents. Ah ben, tant mieux. Maintenant, on va écouter des Canadiens, nos amis canadiens. Et voilà Marie-Claude McDonald qui va vous chanter « Maman ». Et ça va être suivi par Christelle Plamondon, un nom très connu. Et Christelle va vous chanter « Capitaine », une chanson folklorique que vous allez reconnaître sans doute. Elle, on l'appelle la Cajine des Neiges. Elle vient de Plamondon, au nord, c'est un village au nord de l'Alberta. Et Christelle emploie des styles tels que la musique country, le folklore français, canadien, avec des rythmes cajuns et le zydeco. Alors, d'abord, Marie-Claude McDonald, maman. Maman, tes biscuits chocolatés, maman, tes bonbons au caramel doré, toujours bien occupée à faire des choses, maman, ton sourire pour me rassurer. Maman, tes caresses pour me consoler, toujours bien occupée à tout donner. Maman, tu es si bonne. Maman, souvent rempli de l'amour que tu me donnais, je me souviens de toi comme tu l'étais autrefois. Maman, si petit, si fragile, maman, si tendre et si docile, tu voulais nous faire croire que tu étais si forte, maman, mais tu allais souvent pleurer dans ta chambre, mais tu oubliais parfois de fermer la porte, maman. Et je pleurais pour toi, mon bourgeois. Je me souviens de toi. J'étais souvent entourée de tes bras, souvent remplie de l'amour que tu me donnais. Je me souviens de toi comme tu l'étais. Maman, je croyais te voir vivre jusqu'à 100 ans. Tu es là. pris de te revoir et de t'embrasser. Comme tu me le faisais lorsque j'étais peinée. Je prie de reprendre ces caresses que j'ai tellement repoussées, maman. Je te comprends maintenant. Mais n'est-ce pas trop tard? Tu me manques. Oui, on va, je vais dire ça après. Mm-hmm. Ok. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, and 106.7 FM, St. Paul. Radio without boundaries. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio, radio communautaire, KFAI, 90.3 FM, à Minneapolis et 106,7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Et il est maintenant, oui, presque... 9h, ah pardon. 9h, oui. 21h. 21h, oui. Exactement. Oui. Et en Europe, c'est quelle heure? Il est 4h le matin. Oh. Bon, en Europe, ça veut dire en France. Centrale, en France et l'Allemagne. Oui, France et Allemagne, oui. Et alors, toi, tu es toujours oui, voilà, 4h du matin, oui. Oh là là. Bon, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota et nous avons la musique de France, du Canada et d'autres pays francophones. Maintenant, Olaf, qu'est-ce que tu peux dire quelques mots sur la première chanson? Oui, la première chanson, c'était Marie-Claude McDonald. Et c'est... c'est en anglais. Oui, exactement. This was a very touching song about a dialogue with her mother, absent mother. The mother has died or so. Mm-hmm. And she simply sings of the love and how her mother would comfort her with holding her in her arms, giving her a kiss, embrace her. And she always thought that her mother would live till she was over 100. But apparently, I mean, this is obviously, as things go, the mother is no longer there. And she also regrets, like probably every teenager, at one time or other, rejects, the parents and thinks these are terrible people. So she regrets not having always been the the perfect daughter. But then she hopes that she'll see her again. The last line I thought was touching. Now I understand you. Yes. Maintenant je te comprends. Mm-hmm. Oui, alors, on va écouter ces deux autres et je vais vous dire encore une fois, c'est Crystal Plamondon qui va vous chanter Capitaine. Et ça, c'est une chanson folklorique. Et ça va être suivi par un groupe qui s'appelle Inconnu. Et je crois que quand on prononce, il faut bien écouter le disque, Jigidou. Ce groupe vient de Whitehorse et il mélange le folk, le country, en passant par le jazz, le blues et la musique cajun. Leurs instruments comprennent et l'accordion et le tuba. Voilà, Crystal Plamondon. Thank you. là comme un affreux de peau de parti sans dire adieu. Capitaine, capitaine, capitaine, en ouais. Ton bateau, tu rappes t'es loin avec au bas mon amour en otage. Moi je reste à j'attends de sans fin en rêvant de l'amour sur la plage. Capitaine, capitaine, capitaine, ah ouais. Capitaine, capitaine, capitaine, ah ouais. Capitaine, capitaine, capitaine, ah ouais. Capitaine, capitaine, capitaine, ah toujours les voiles de ton bateau, j'embrasse le souvenir, je cherche ton image, pour que déchirer comme les nuages de ton voyage en autour. Tu es parti le matin comme un voleur sur la vague de mes petits yeux qui pleurent. Tu voulais aller sous loin de moi, en volant en courant vers la mer. Capitaine, capitaine, capitaine, ah ouais. Capitaine, capitaine, capitaine, ah ouais. Capitaine, capitaine, capitaine, ah ouais. Capitaine, capitaine, capitaine, ah ouais. Capitaine, capitaine, capitaine, ah ouais. Capitaine, capitaine, capitaine, away. Capitaine, capitaine, capitaine, away. Capitaine, capitaine. Well, we now have come to our Canadian friends. And the first one is Christelle Plamondon. Don. Plamondon. Plamondon. Mm. Excuse-moi. Oh, c'est mon écriture. Excuse-moi, Christelle. Plamondon. The song was Captain. And basically, the song deals with a captain who is away or is far away, and he leaves behind people who love him or ladies who love him. And this is presented in the form of both, folklore, country music, including Cajun rhythms. So it's quite a mixture of various kind mm-hmm. of styles and very, very entertaining. Although it's very fast, the rhythms is fast, the diction is, the delivery is extremely fast, as you will also see or may have heard in the next one, which is a song about that's called Jigidou. And again, this is a song that is essentially based on plays of words, and is a band that is coming out of Whitehorse in northern Alberta. It's again a mixture like the previous one, a mixture of jazz, blues, and Cajun music. And the instruments, of course, are those of the Cajun, including a tuba. And Jigidou is sings about how they play the violin, how they play their music, and then the singer says, "And if whenever they call me Jigidou, I go crazy." So anyway, I mean, right now I hope no one has gone crazy, but that was Jigidou. Merci, Olaf. Here's a couple of announcements or what's going on. Oh, by the way, if you'd like to give us a call when the music's on, the number here is 612-341-0980. That's here in the studio. 612-341-0980. And yes, we do love to hear from you. As soon as the next song goes on, give us a call. Well, there's a fall open house at the Alliance Française. That's going to be Saturday, September 8th from 12 to 3. You can go there. It's free and open to the public. There will be prizes, refreshments, and much more. You meet other Alliance Française members, teachers, friends, and partners. You visit the historic building, test your French with the placement test, and try out a sample French class. The French classes start in earnest September 10th through November 17th. You can enjoy an early bird discount if you enroll for a 10-week adult class before August 26th. So you can either call the Alliance office to get a list of those classes. That number is 612-332-0436. Or you can click online at bonjour@afmsp.org. Let's see here. We got two pages together. Are you thinking of emigrating to Quebec? You will have to take a test, and the Alliance Française can provide that official test to evaluate your French level before emigrating to Quebec. Registration ends Friday, September 28th. Test is on Wednesday, October 23rd. That, too, is online, AFMSP, bonjour at afmsp.org. Well, there's, let's see, we still have some good movies in town. Oh, there's a Reader's Club, an easy Reader's Club, Saturday, August 18th, from 2 to 3 at the Alliance. Practice your French in a relaxed setting. New and returning members are welcome. Even in the middle of the story, they're reading Le Petit Nicolas by René Goscinny. On a répété pour le ministre. The Alliance has a brand new blog. you are invited to submit a post to contribute. Post ideas that might include an anecdote, a photo, or both about a recent trip to France. Maybe you have a favorite French recipe or favorite French movie. For natives of France, you could tell a feature of your hometown and highlight your own region and teach us more about it. To submit a post, contact Brigitte, the marketing communications intern, and her email is communications@afmsp.org. Well, here's an event, a special event coming up, an apéro and shopping, an apéritif. It's on Thursday, August 23rd from 6 to 8 p.m. at Coquette Boutique. Enjoy wine, refreshments, and great conversation while you stock up on unique French products. Well, they don't tell us where Coquette Boutique is. There are also door prizes, specials for Alliance Française members, and 30% on one item. I think this is Coquette Boutique is the one out in Lakeville or beyond. If somebody can give us a call, I'd be happy to give the correct address. The Well Digger's Daughter, La Fille du Pisatier, is opening exclusively at Landmark's Edina Cinema in Minneapolis on Friday, August 17th. Also playing at the Edina now is Farewell, My Queen, Les Adieux à la Reine by Benoît Jacquot. It's based on a best-selling novel by Chantal Thomas. This period film captures the passions, the debauchery, and ultimately the chaos that engulfed the court of Marie Antoinette in the final days before the full-scale outbreak of the revolution. It was filmed at Versailles, partial. I got to see that. That sounds like a great one. The Intouchables is still on. If you have not seen it, don't miss it. This is just an outstanding film. It's now playing again at the Lagoon. It's an inspiring yet very, very funny story, and a true story at that. It's about two men who should never have met, a quadriplegic aristocrat who was injured in a paragliding accident, and a young man from the projects. Well, let's see, a couple more things. Oh, we'll get back to those a little later. We have an announcement. Programming on KFAI is brought to you by the St. Paul Saints. The Saints are home with family fun tonight through Wednesday at Midway Stadium. Good seats are still available at saintsbaseball.com. Saints Baseball, celebrating 20 seasons of fun. Voilà. Encore de la musique, c'est une chanson que j'adore. C'est par Jamel Laroussi. La chanson s'appelle « Étoile filante ». Jamel est un chanteur algérois qui a pu franchir la ligne qui sépare le jazz et la chanson. Voilà quelque chose que je ne savais pas. Il est diplômé de l'École supérieure de musique de Cologne, avec spécialité en jazz et musique contemporaine. Alors, il va chanter ici dans trois langues, ses trois langues maternelles, le français, le berbère et l'arabe. Jamel Laroussi. The next song that you're going to hear is by Jamel Laroussi, Étoile Filante, and that means the shooting star. And he is quite a interesting person. He is actually from Algeria, is a singer, and he has really mixed the line between jazz and classical music and song. And that's because in part he got his degree from the Musikhochschule in Cologne in Germany, where he specialized in jazz and contemporary music. He actually sings in three different languages, all of which he was essentially are his native language, if you wish. That is his French, Berber, and Arab. And Berber, of course, is there are parts of the Atlas in northern Algeria that are bordering Morocco, mm-hmm. in which there are large numbers of Berbers, which are the original inhabitants of that part of the North Africa. So here we are with Étoile Filante. Chaque fois que je pense à elle, la plaie revit et ça fait mal. Tout à coup c'est elle le soleil, sans abri tout devient fatal. Ah mon Dieu comme elle était belle, en la voyant tout devenait pâle. Étoile filant dans mon sommeil, je trouvais dans mes nuits une rivale. Voyage il est lit, voyage il est lit, d'où il est. Voyage il est lit, d'où il est. Why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady, why are the lady. Parti vers Vénus pour toujours, mon étoile filante, où est-elle? Parti reconquérir l'amour, quand ferait le printemps une hirondelle. On sait tous qu'une vie c'est bien court, mais dans ce cas-là c'est éternel. Mes larmes s'arrêteront bien un jour, en mettant au monde un arc-en-ciel. Voyage il est lit, voyage il est lit, d'où il rêve. Voyage il est lit, d'où il rêve. Voyage il est lit. Why are the lady, yeah, yeah. Why are she lady, that we hide? Why are the lady, why are the lady, yeah, yeah. Why are she lady, that we hide? Why are the lady, why are the lady, yeah, yeah. C'est bien, hein? Oui, so this was Jamel Laroussi, and he sang the Shooting Star, and singing about this lady that he is trying to court, and when he thinks of her, he thinks of the Shooting Star, and how pretty she is, and how he is trying to conquer her and obtain her love. And then, of course, the most interesting thing in this song were the rhythms, I mean, which are both Arab and Berber rhythms and songs, of course, which we can't translate because we don't know. I mean, I don't know the language. No. But anyway, the rhythm is extremely nice and makes you wish to tap your feet. Eh bien, alors maintenant, on va écouter quelque chose de qui vient de nous arriver des RFI, Radio France Internationale. Et c'est de la nouvelle musique, des artistes connus et inconnus. On commence d'abord avec Barcella, Ma Douce. Et ensuite, Soan, Pour de Bon. Voilà. Barcella, Ma Douce. J'ai dans mon chapeau de magicien de la poudre de perles, un pimpin, quelques chamallows de trois lapins, de quoi me sentir bien. J'ai pu lire dans le creux de ta main, car je suis un petit peu de vin, que nous partagerions nos chagrins et nos sourires coquins. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin. Ne sois pas farouche, si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin. Ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne sais si tu croises au destin, peut-être as-tu peur des baladins, mais si tu le souhaites un beau matin, nous prendrons ce chemin. Sais-tu qu'au bout se trouve un jardin parfumé de l'odeur du jasmin, allongé à l'ombre des sapins. J'y demanderai ta main. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin. Ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin. Ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne suis qu'un homme ordinaire, un pantin de rime et de chair, au gré de nos astres lunaires. J'écris des poèmes pour te plaire. Mais que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin. Ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, ou un joli dessin. Ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu, ma douce? Un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin. Ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Mais que veux-tu, ma douce? Que veux-tu, ma douce? Que veux-tu, ma douce? Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Hi, this is Dominique, inviting you to tune in to Caribbean Jam with my daddy, Limbaugh Jackson, every Saturday from 5 to 7 right here on KFAI Radio, 90.3 and 106.7 FM, Minneapolis and St. Paul. Longtemps-tu grinçais tout bas la mine noire de mon crayon? Vous me copierez 100 fois, on ne grince pas sans raison. Pauvre de toi, qu'en savent-il? Il est de grincement sublime, assis sur les ailes de l'avion. Qu'un nuage défile, et même sur les barques du Nil qui partent pour de bon. L'entends-tu rire aux éclats, la mine noire qui d'aventure vous me copierez 1000 fois? On ne s'aventure pas, mais sur mes mains, je te le jure, mes plumes enrubanées par deux se riaient de toi tant et mieux, valsant mon écriture. Depuis je rêve d'aventure, une plume à la place des yeux. Sous le nez de la névrose, moi si j'ose encore voir demain, même si je ne sens plus rien que le parfum du temps, je reviendrai comme avant à l'unir une chanson, juste pour dire de ne pas te laisser tourner en rond, en rond. Pour de bon, pour de bon. We are now getting into a new set of songs. I mean, quite different from what we heard in the first part of this program, which were mostly classic songs and classic singers. Now we are into some of the newer French songs that have been created in the last year or so, or a little bit, at least a few last couple of years. And this is a program that is prepared by RFI, Radio France Internationale, and it's called 100% Français. So the first one is a singer called Barcella, and he sings Ma Douce, my sweet, well, it's not really Ma Douce, it's not my sweetheart, I mean, but my sweet girl or my sweet person. And it's really, he sings about, he himself has a very soft and sweet voice, and he sings as if he were going to, as if he were, well, it's telling stories to children. I mean, in a very posed and very, what should I say, not undramatic, but not a very exaggerated way, so that children and others can understand what he's singing about. He sings his own, composes his own songs, and sets them to music. In this song, of course, sings about this nice girl that he thinks she's very pretty, and how he is how he would like to kiss her on her lips, and so on, but in a very, very douce façon, in a very sweet way. The other one is Soin, And this seems to be the hallmark of these last few of this last few collections. I mean, these people have just one name. I mean, and obviously, I mean, Souan is sings pour de bon, for good, and he sings about, again, he sings about the how meeting this girls and how he's trying to do things pour de bon, for real life, for a long term, for reality. And he has, of course, it's a song, and he has that is directed towards la jeunesse d'aujourd'hui, to young people in France now, and he bases it some of his roots, of course, are those with Manon Solo and with Cobain and others, but he's not slavishly connected to them. You can feel his connection, but it's not overpowering. So that was Song. Merci. Alors voici encore deux chansons toutes neuves. C'est Damien qui vous chante Drague, et ensuite Ridan avec Madame la République. Alors ça, c'est vraiment intéressant. C'est une chanson politique. Il explique ses malheurs avec la République, bien qu'il est bon citoyen, il pense. D'abord, Damien. Chic, faux folle, dis-moi, tu me dragues, tu me dragues, ou quoi, c'est pas futile, oh non, ma promise. Dis-moi, tu me dragues. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. First of all, we heard Ridon in. No, that's one, what we Damien. Just heard. That we just heard. We heard Damien in drague, and to draguer in French means simply trying to pick up some young ladies. And he sings about, well, he keeps saying he keeps asking questions. And then he says, tell me why. I suppose tell me why were you not falling for me immediately after trying to drag you. And then he says, I'll tell you, and he gives her all kind of a spiel that people in that situation have a tendency to do. So at least in here in this case, we know what his last name is. It's Damien Lecointe, and he has, of course, he's quite a musical talent and has led orchestras and played various types of instruments. So he's quite an all-around person, and I don't know why he would have to go draguer les jeunes filles. They should be flying towards him, important person that he is. The next one is from Ridon, and Ridon is, his name actually is Nadir Couidry, and he sings Madame la République, and he is a political songster. He does criticize the situation, and in this particular case, Madame la République stands for the French Republic. I mean, and remember that the French Republic often is depicted as Marianne, a lady. So here he talks about what's going on in this republic and then addresses Madame la République. So what about the excessive profits? What about the justice, where apparently the justice is blindfolded, but the balances tip in ways that are not really for the people? Then he sings about the legislators and what their preoccupation is, mostly trying to maintain, hang on to power. But he is fairly well known as a political singer, and he says he is a little Arab of French of the French chanson. He eats couscous, and he has his name spelled upside down, and then he also sings about Prévert, or ties in with Prévert, who was also a social critic after World War One and during World War One, and I mean, sorry, World War Two. And he also likes to sing in the language of Molière. Molière, of course, also was at his time criticizing excesses of society. And so that was Ridon. Merci. A couple of last-minute announcements here that I didn't get in before is don't miss the big Franco Fête in Minneapolis. It's a multicultural, multi-continental, bilingual event on the Nicollet Island area. It's a variety of programs, including live music. I know the Le Vent du Nord, that group from Canada, will be singing. Folk dancing, films, games, speakers, and French food. That's going to be in September, and we'll keep you up to date about that. Here's another notice. Rendezvous du Jeudi, the Franco-American Center of Minnesota, is meeting from 5:30 to 7:30 on Thursday, September 6th, to hear the CEO Bjorn Stansvik and CSIO Stephen Fluen of MentorMate talk about their experience doing business with the French. We're getting close to the end here. Et voici deux chansons. Vous pouvez nous téléphoner, notre téléphone ici. While the music's on, our number is 612-341-0980. We'd love to hear from you. Vous allez écouter Dabi Touré, Chez les autres, et ça va être suivi par Oldelaf, La Tristitude. Ben, c'est un mot qu'il a inventé, sans doute, parce que le mot tristesse est un vrai mot, mais tristitude, c'est son mot à lui. Tu ne seras pas la première à guider mes pas, à me donner des manières sur ce qu'on fait pas. J'apprendrai sur ta langue ce que je sais déjà. De la vie va. Maman son, ma, mananola. Maman son, ma, mananola. Maman son, mananola. Tu m'as dit que t'étais neutre. Tu m'as dit, fais comme chez toi. Moi j'ai grandi chez les autres. Apprends-moi. J'ai dormi sous la tente, pas mangé parfois. J'ai vu que dans des soupes. L'amour dans les bois. Tu ne seras pas la première à guider mes pas, à me donner des manières sur ce qu'on fait pas. Maman son, ma, mananola. Maman son, ma, mananola. Maman son, ma, mananola. Moi j'ai grandi chez les autres, apprends-moi. Maman, so, so, so, mananana, so, so, so. Maman, so, mananana. Chez les autres, apprends-moi. Mama, so, ma, ma, na, na, na. So, ma, ma, ma, ma, ma, ma. So, ma, na, na, na. So, ma, na, na, na. So, ma, na, na, na. So, ma, na, na, na. So, ma, na, na, na. So, ma, na, na, na. La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal. La tristitude, c'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août. Quand tu dois aller vivre à nos gens le retrouve. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est ouh, c'est eux. C'est vous, c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la mercause de la princesse de Galles. Quand samedi soir, c'est ta fille qui joue sur Canal. Et ça fait chier, la tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal, mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux d'un avoir. La tristitude, c'est ouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida. Quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand des jeunes t'appellent monsieur pour la première fois. Et ça fait mal, la tristitude. C'est devenir styliste, mais pour Eddie Mitchell. C'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. C'est faire les courses le samedi d'avant Noël. Et ça fait mal, mal, mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi. C'est un peu la détresse dans le crâne à moi. La tristitude, c'est c'est ouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça n'a pas du tout. Non, non, non, la tristitude. La tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude. te donne la triste attitude. La triste attitude, la triste attitude, la triste attitude. C'est un peu de tristesse et de solitude. C'est comme de la triste attitude plus rien en tout cas. C'est la triste, la triste, la triste. Well, we heard Dabi Touré in Chez les Autres at Other People's Place. And basically, I mean, his big thing is that he sings in French, English, Arab, and then Soninki and Poular, also Wolof. And those are all languages that are spoken in West Africa. He comes from Mauritanie. But the interesting one was Oldelaf, La Tristitude, and Oldelaf is a contraction of Olivier de la Fosse, and he sings about what makes you sad. And Tristitude, of course, is not in the Académie, not the Dictionnaire de l'Académie Française, but it's kind of coined after Senghor's Négritude. Ah. So we are getting here to the end, but he lists all the things that make you provoke tristitude, and especially one that I relate with much, very much, is stepping out of bed with bare feet and stepping on a Lego block, and then I mean that wakes you up. So let's say goodbye. Au revoir, Olaf. Au revoir. And I'd like to say merci beaucoup à Louise, notre chère Louise, who filled in here for quite a few weeks, and we were so glad that you were here, Louise. You're a lot of fun. Alors, vous allez écouter notre au revoir, chanson de Django Reinhardt et Stéphane Crapelli, Sweet Georgia Brown. KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. Excellent. I'm Nikolai and you are with Balkan Jamboree. Здравейте, драги слушатели! Аз съм Николай и съм отново с вас и фолклорното музикално предаване Балканско джамборе на радио Безграници, KFAI в Сент Пол и Миняполис. Както всеки вторник вечер по това време, до полунощ ще бъдем заедно и ще слушаме музика от Балканите, която съм подбрал не специално за вас. Hello, folks! I am Nikolai, and you are with Balkan Jamboree World Music Show here on KFAI Fresh Air Community Radio at 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Radio without boundaries. We are also streaming